بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة. دعوة السلفية باليمن تقدم لكم لأحبش APBIF Association de Projets de Bienfaisance Islamique en France par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki حفظه الله تعالى. Deuxième partie. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد, إن شاء الله بفضل الله تعالى nous allons poursuivre إن شاء الله dans la deuxième partie de ce bien qui tourne autour de l'APBIF qui sont les Ahbesh. Cette secte des Ahbesh qui se trouve en France. Avant de poursuivre, juste je voudrais faire un tambih par rapport à ce qui a été dit dans le premier audio, lorsque j'ai cité qu'ils disent qu'on ne devient pas médecin en lisant dans les livres. Cette métaphore, en réalité, elle a été employée par d'autres que eux, même par des gens sur la vérité, car elle est une phrase yani, qui a un fond réel. Cependant, leur sens à eux, c'était un sens, yani, kalimat, حق أريد بها باطل. C'est une calette, une parole véridique par laquelle ils ont vu de là un sens erroné, un sens faux. Donc la parole là, cette parole là n'est pas blâmable, cela dépend de l'intention de la personne. C'est un tambi. Non. Donc on poursuit. Donc toujours parmi les choses qui amènent à ce qu'ils se contredisent, ces gens-là, des Ahbesh, c'est que vous pourrez voir dans leur site ou ailleurs quand ils parlent, ils traduisent Allah par le mot Dieu. Ils appellent Allah par le mot Dieu. Hein? Et eux, nous avons vu qu'ils blâment les gens qui font ressembler Allah à sa création dans les traductions également, comme la main, la colère, ainsi de suite. Donc de là, ils tombent dans une contradiction, une incohérence. Donc là, je vais lire, Inch'Allah, ce que notre frère Fouad Abou Abdillah al-Marlebi avait écrit au sujet du fait de nommer Allah Dieu. L'article présent sur le site est juste une partie en extrait. Naam. Donc il dit que Cheikh Othaymine, rahimahullah ta'ala, a cité dans les règles de son livre Al-Qawaid al-Muthla, la première règle, qui est que les noms d'Allah, Azza wa Jal, sont tawqifiyya, c'est-à-dire, elles ont besoin d'un dalil. Hein? Elles ont besoin d'un dalil. À savoir que la raison et la pensée ne peuvent attribuer à Allah des noms du simple fait qu'ils sont acceptés par la raison. L'obligation religieuse pour chacun de nous est de s'arrêter ou de se limiter à ce que nous est parvenu des deux révélations que sont le Coran et la Sunna authentique. Manat ou kifia, qu'il n'y a pas d'ijtihad. Ce qui vient ne vient que par un dalil. Shalai. Il est très important de spécifier ici que le fait de nommer Allah par des noms qu'il n'a pas utilisés pour se nommer lui-même est une erreur et un manque de respect vis-à-vis de ses noms et vis-à-vis de lui-même. Hein, vis-à-vis de ses noms et de lui-même. Et Allah Azza wa Jal nous a ordonné d'employer ses noms parfaits comme il l'a dit dans Surat al-A'raf. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, وَلِلَى الْأَسْمَى الْحُسْنَى فَادْعُهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dans le sens, c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ses noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Et également, يَقُولُوا عَزَّ وَجَلْ اللَّهُ لَا إِلَهِ اللَّهُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Dans le sens, Allah nulle divinité qui mérite d'être adoré à part lui. À lui, les noms parfaits. Naam. Donc nous leur disons, c'est Ahbesh, hein, ne savent-ils pas que ce mot s'applique également sur la créature, chez beaucoup de gens? Les Koufars disent de l'origine de ce mot qu'il vient du mot latin Deus, lui-même issu de la racine indo-européenne Dei, c'est-à-dire D-E-I, qui veut dire briller, qui est élargi en Deiwo, c'est-à-dire D-E-I-W-E-O, ou en Diou, c'est-à-dire D-Y-E-W, qui sert à désigner le ciel lumineux en tant que divinité ainsi que les êtres célestes par opposition aux êtres terrestres. C'est-à-dire l'origine de ce mot s'applique également sur la création. Étroitement liée à cette notation de lumière, c'est la plus ancienne dénomination indo-européenne de la divinité qui se trouve dans le nom de la divinité grecque Zeus, dont le génitif est Dios, le D, le I, le O et le S. De la même racine est issue la désignation de la lumière du jour diurne et la lumière du jour est une création en elle-même. Tayeb. Et que le frère poursuit en disant que ce mot n'est arrivé en langue française qu'au XIe siècle, chez les chrétiens, tiré du mot latin Deus. Donc de là, le mot Allah en arabe. D'où vient-il? Il vient du mot ilah. Hein? Ilah. Qui est un ism maf'oul à la wasfi'al. Qui veut dire ma'boud, adoré. Et on a rajouté le alif wal lam, el. On a enlevé le hamzat al-qatr de ilah. On l'a enlevé. On a inséré dedans le alif wal lam. Ça a donné Allah. Et après, pour le ta'zim, on a fait un tafrim dans le lem. On a dit Allah. D'accord? L'origine, elle vient comme ça. Si c'était pas écrit, ce serait plus clair pour vous, mais en explication, ça vient de là. Ça veut dire du mot il est, hein, il est, et de là, on a rajouté quoi? Alif wal lam. On a fait un tafrim dans les deux lem, ça fait Allah. C'est devenu un nom propre. C'est devenu un nom propre. D'ailleurs, la preuve, c'est que il est, tout seul, peut avoir un mudaf ilayh. Tu dis par exemple, Hada ilahu al-Nasara. Hada ilahu mushrikin. C'est la divinité des chrétiens. Ou c'est la divinité des mushrikin. Mais à partir du moment où alif wa lam rentre dans un mot en arabe, on ne peut pas lui mettre derrière de mudaf ilayh. Par exemple, on peut pas dire el ilah al-Mushrikin. Ça ne se dit pas. On dirait ilah al-Mushrikin. Mais si on met alif wa lam, c'est fini. Le mot devient complet, on ne peut pas mettre de mudaf ilayh. Donc là, Allah. Vous voyez, Allah. Le alif olam, il est rentré, c'est devenu un nom propre. Qui a le sens de la divinité, en effet, mais c'est devenu aussi également un nom propre. D'accord? Et en français, Dieu, c'est un mot qui est un pluriel, un féminin, que les gens emploient hors contexte sur les créatures. Par exemple, ils vont dire le dieu du foot, ils vont dire le dieu du stade, ils vont dire le dieu de telle chose, le dieu de telle chose. Hein? Est-ce qu'on a déjà entendu quelqu'un dire le Allah de cela, le Allah de ceci, ou le Azbillah? Ça ne se dit pas, ça n'a jamais été dit, ni par les koufars, ni encore moins par les musulmans. Également, Allah, comme on l'a dit, Allah, c'est un nom propre. Depuis quand traduit-on les noms propres? Est-ce qu'on traduit Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on parle de lui? Qui, littéralement parlant, Mohammed, littéralement parlant, ça veut dire le plus loué. Le plus loué. Pourtant, on l'appelle par son prénom. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, son nom propre, également, est un descriptif de sa personne réelle. Pour de vrai. Cependant, c'est un nom propre. On ne le traduit pas. Aïcha. Est-ce qu'on traduit ce prénom Aïcha en disant la vivante? Non, on l'appelle Aïcha. Hein? Là, on parle de la connotation du nom propre. Pas du descriptif. Par exemple. Et eux, lorsqu'ils disent Dieu, eux, ils visent quoi, eux, par là? Le nom propre. Pas le descriptif. La preuve, ils disent Dieu. Ils disent pas le Dieu. Si vous les décrivez, ils diraient le Dieu de telle chose, le Dieu. Mais eux disent Dieu tout seul, ça veut dire pour eux, c'est un nom propre. Donc de là, ce qu'ils font, il est un ilhad fi asma illah. Il profane le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est interdit. Et en faisant cela, justement, il faut ressembler Allah à sa création. Eux-mêmes tombent dedans. Naam. Donc toujours ces gens-là, ils ont également un grand nombre de bid'ah à leur actif. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'innovations. Là, on va citer quelques-unes avec la réplique sur elles, inshallah. En les réfutant, si cela est possible. Ils autorisent le bid'a du fait qu'ils n'ont pas saisi le sens réel. Eux, ils ont divisé la bid'a en bonne et en mauvaise. El bid'a el hasana ou el bid'a el seiya. Se basant sur cela, sur des arguments complètement faux découlant de leur ignorance et de leur suivi de passion. Dans leur site, tu peux voir ce qu'ils disent. Ils disent, je dis, l'innovation el bid'a dans la langue, c'est ce qui a été instauré sans équivalent antérieur. Voilà ce qu'ils disent. Et là, cette parole, elle est correcte. Le sens bid'a, littéralement parlant, c'est ça. Non. Une chose nouvelle, sans précédent. Kafiko li ta'ala, badi'u samawati wal ard. Hein? C'est celui qui a créé les cieux et la terre, sans exemple précédent. Badi', dedans, on voit le ba, le del et le ayn, comme dans bid'a. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a créé une chose sans avoir de précédent. Hein? Sans avoir été précédé pour cela, cela n'est pas possible. Donc, le sens qu'ils ont mis pour la bid'a littéraire, il est correct. Ensuite, ils disent, shal'an, dans la législation. Qu'est-ce qu'ils disent? Selon la loi, maintenant, l'innovation, c'est ce qui a été instauré, c'est-à-dire mourdef, sans avoir fait l'objet d'un texte, ni dans le Coran, ni dans le Hadith. Voilà ce qu'ils disent. Et leur définition de la bid'a shal'an n'est pas complète. Elle n'est pas complète. car ce que vous trouvez chez les savants diffère de celle-ci. Qu'est-ce qu'ils disent les savants? Ils disent, par exemple, parmi les meilleures définitions, simplifiées, parce qu'il y en a plusieurs, simplifiées, ce qui a été dit, par exemple, « Ma uhditha ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi dini wa urida bihi al-ta'abbud » C'est-à-dire, ce qui a été innové en religion après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam en vue d'adoration. Également, une autre définition qu'on pourrait trouver, plus complexe, mais toujours complète, « Inna al-bida'ata » ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو اعتقاد وجعل ذلك دينا قويما وصراطا مستقيما. Donc comme le disait le savant, que la bid'a, c'est ce qui a été instauré, une chose instaurée, s'opposant à la vérité inculquée par le prophète صلى الله عليه وسلم dans les paroles, dans les actes et la croyance, et que cela soit pris comme une religion, est considéré comme une voie droite, c'est-à-dire que la personne s'y tient et perdure dessus. Donc là, dans cette définition, il y a deux points essentiels qui ont été mis, que eux n'ont pas cités. Quelles sont-elles? La première, que cela est en religion. Eux ne l'ont pas dit que c'est en religion. Hein? Ils ont juste dit ce qui est innové et qui n'a pas le texte qui provient du Coran et de la Sunna. Ils n'ont pas précisé que cela soit en religion. Et également, deuxième point qu'ils n'ont pas cité, que cela soit en vue d'adoration. Que taniya et ta'abud. Hein? Ouredabihi et ta'abud. Et ça aussi, ils ne l'ont pas dit. C'est-à-dire que pour eux, là, de leur définition à eux, tout ce qui n'est pas cité dans le Coran et la Sunna, si on voit que l'élévation est interdite dans l'absolu, bien sûr, eh bien, tout nous est interdit. Tout ce qui n'est pas cité dans le Coran et la Sunna, hein, est une innovation qui n'est pas permise. Voilà. Voilà quoi amène l'ignorance de vouloir faire des définitions. Hein? Voilà quoi ça amène. C'est-à-dire maintenant, demain, eh ben, tu manges des pâtes. Pour eux, c'est une bid'a, dans leur définition. Bien qu'eux, ils divisent en bonnes et mauvaises. Non. D'où l'importance d'être précis et méticuleux dans la définition. Et chose qui revient également aux gens de science. Hein? Au lancerouna filen. Non. Également, ils divisent cette bid'a en bonnes et mauvaises, comme nous l'avons dit. Et cela pourquoi? Pour justifier leurs actes. Pour justifier leurs actes. Et ils ont le tout peu de mentir sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant dans leur site, toujours, ils disent, c'est le prophète lui-même qui a enseigné à sa communauté que l'innovation est de deux sortes. Une innovation d'égarement, qui est la nouveauté, qui contredit les textes du Coran de la Sunna, et une innovation de bonne guidée, qui est la nouveauté, et qui est conforme aux textes Coran et la Sunna. Eux, c'est eux qui osent dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à la Ummah que la bid'a est de deux sortes. La ilaha illallah. Donc parmi les chouboutes leur permettant de légiférer leur bid'a et leur taksim, ils disent, ils se basent sur cela, sur le hadith rapporté par Muslim, par Abu Amr Jalir ibn Abdillah. Lorsque des hommes se rendirent auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des hommes pauvres, aux apparences vraiment délabrées, et il incita aux gens de faire sadaqa sur eux. Donc qu'est-ce qu'il dit à la fin? Un homme vint et fit une sadaqa à ces gens-là, et de là il fut suivi par les autres. Il fut suivi par les autres, qui eux-mêmes également firent sadaqa. Donc qu'est-ce qu'il dit? Sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghayri an yunqasa min ujurihim shay'un. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyatan kana alayhi wizrun aw wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghayri an yunqasa min awzarihim shay'un. » Qu'il dit quoi? Que celui qui instaure l'islam une bonne sunna, tradition, alors qu'il aura la récompense, ainsi que la récompense de ceux qui l'auront suivi en cela, sans que cela ne réduise en rien de la récompense à eux. Et il dit que celui qui instaure en islam une mauvaise tradition, une mauvaise sunna, alors il aura le péché, ainsi que le péché de tous ceux qui l'auront suivi, sans que cela ne réduise en rien de leur mauvaise action, de leur péché. Donc là, il présente cela comme dalil pour dire que la bid'a, il y a une bonne et une mauvaise. L'imam Nawawi, rahmatullah alayh, rapport de ce hadith dans son fameux livre Riyad al-Salihin, dans le chapitre Babu Fiman Sanna Sunnatan Hasanatan Awsiyatan, qui est le chapitre de celui qui aura instauré une bonne ou mauvaise tradition, Sunna. Et ce chapitre fut précédé lui-même par un autre qui est Babu Fil Nahi Anet Bida wa Mordasatil Umur, qui est le chapitre de l'interdiction des innovations et des nouvelles choses. Cheikh Al-Faymin, Rahmatullah alayh, il dit, en explication de ce chapitre, il dit quoi? Il dit, ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لتحذير من البدع ولبين أن من الأشياء ما يكون أصله ثابتا فإذا فعله الإنسان وكان أول من يفعله كان كمن سنه وصار له أجله وأجر من عمل به إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة. وقد سبق لنا أن الدين الإسلامي ولله الحمد كامل لا يحتاج لتكميل ولا لبدع لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Donc il dit quoi رحمه الله تعالى que l'auteur, c'est-à-dire l'imam Nawawi, a cité ce chapitre en guise d'avertissement contre les innovations et pour éclaircir qu'il y a des choses en religion qui ont une origine fondée et que si jamais la personne les accomplit et qu'il est le premier à le faire, alors il sera comme celui qui aura instauré une bonne sunna. Hein? Celui qui sera le premier à agir d'un acte légiféré qui a une origine, celui-là sera considéré comme étant visé par ce hadith. Et qu'il aura sa récompense, ainsi que la récompense de ceux qui l'auront suivi en cela. Naam. Et cela jusqu'au Yom al-Qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection. Et qu'il dit que la langue de Allah, que la religion de l'islam, n'a pas besoin d'être complétée. D'accord? Et ni d'innovation. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens, aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Et j'ai parachevé pour vous mon bienfait. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Et Cheikh Othaymeen dit toujours, par rapport à ce hadith maintenant, il dit, wa al-muradu bil sunnati fi qawli sallallahu alayhi wa sallam, man sanna fi l'islam sunnatan hasanatan, ابتدى العمل بسنة وليس من أحدث لنا من أحدث في الإسلام ما ليس منه فهو رد فليس بحسن أو بحسن لكن المراد بمن سنها أي صار أول من عمل بها وهذا الرجل الذي جاء بالصدقة رضي الله عنه فدل هذا على أن الإنسان إذا وفق لسنة سنة حسنة في الإسلام سواء بادر إليها أو أحياها بعد أن أمتت. Donc il dit que le sens voulu par la sunna dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui instaure une bonne sunna, c'est celui qui commence par l'action, qui débute, le premier à se lancer. Et non pas dans le sens que celui qui vient quelque chose de nouvelle, innover. Car les choses nouvelles en religion, hein, cela est rejeté, comme cela est venu dans le hadith de Aïcha. Et qu'il n'y a rien de bien. Dans les choses nouvelles en religion, il n'y a rien de bien. Donc, il veut dire que le premier qui aura instauré cette bonne action, cette tradition, hein, à l'exemple de cet homme qui est venu dans le hadith, qui a apporté sa sadaqa à ces gens, il a été le premier à se lancer, et de là, il a été suivi par les autres. Il a été suivi par les autres, donc il a instauré une bonne tradition, il a pris soit sa récompense à lui, et celle de ceux qui l'auront suivi. Et que cela concerne également celui également qui aura revivifié une sunna qui aurait été oubliée. Hein, une sunna qui aurait été oubliée. Car la sunna, dit le shir, est de trois catégories. Là, il va faire un tafsil. Awalan, sunnatun sayyatun, wa yal bid'atu, fa hiya sayyatun, wa in istahsanaha, man sannaha, liqawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kullu bid'atin dalala. Donc, il dit qu'il y a la mauvaise sunna, c'est-à-dire la bid'a. Car elle est mauvaise, même si quelqu'un la voit comme étant une bonne. Hein? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute innovation est égarement. Kullu bid'atin dalala. Donc ça c'est la première. La deuxième, sunna hasana, wiyala nu'ayn. La bonne sunna, hein, la bonne sunna, et elle est de deux catégories, de deux sortes. Al-nu' al-awwal, an takuna as-sunnatu mashru'atan, thumma tutraku yutraku al-'amalu biha thumma yujaddiduha man yujaddiduha, mithl qiyam ramadan bi imamin. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam shara'a li ummatihi fi awwal al-amr as-salat bi imamin fi qiyam ramadan. ثم تخلف خشية أن تفرض على الأمة ثم ترك الأمر ثم ترك الأمر عفوا ثم ترك الأمر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي أول خلافة عمر ثم رأى عمر رضي الله عنه أن يجمع الناس على إمام واحد ففعل فهو رضي الله عنه كسن في الإسلام سنة حسنة ينو أحيا سنة كانت قد تركت. Donc il dit la première catégorie de la bonne sunna, c'est que celle-ci soit légiférée, puis qu'elle ait été délaissée. hein, et que quelqu'un vienne pour la revivifier, la réinstaurer. À l'exemple de Taraweeh, le qiyam de Ramadan, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, l'a fait dans sa vie, hein, du fait que les gens se réunissent et fassent une jama'a pour le Taraweeh. Et par la suite, il a délaissé par peur que cela soit imposé à sa communauté, que cela devienne obligatoire. Donc il a délaissé jusqu'à la fin de sa vie. Et également durant le khilafa de Abu Bakr, personne ne l'a fait. Et également au début du khilafa de Omar, personne ne l'a fait. Et ensuite, Omar a vu bon comme le fait de réunir les gens à nouveau, derrière un seul imam, hein, pour refaire le Taraweeh. Et de là vient sa parole, ni'mal bid'a, quelle bonne bid'a. Dans le sens littéraire, une chose nouvelle sans précédent, hormis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car Omar est le premier à l'avoir réinstauré. Mais cette salat au Taraweeh, elle a une origine. Donc ce n'est pas une bid'a au sens shal'i, légiféré comme nous l'avons dit. Hein, donc la parole de Omar n'est pas une hujja pour eux dans le fait d'autoriser et de dire qu'il y a des bonnes bid'a. Non. Ensuite, la deuxième catégorie de bonnes sunnah, c'est, il dit, النوع الثاني من السنن الحسنة أن يكون الإنسان أول من يبادر إليها مثل الرجل الذي بادر بصدقته حتى تتباعى الناس ووافقوه على ما فعل فالحاصل أن من سن في الإسلام سنة حسنة ولا سنة حسنة إلا ما جاء به الشرع فلو أجرها وأجر من عمل بها من بعده. Donc il dit, la deuxième catégorie, c'est celle de bonne sunna, c'est comme celui qui serait le premier à accomplir une action et qui serait suivi en cela par les autres. À l'exemple de cet homme dans ce hadith qui a fait une sadaqa, hein, et puis suivi en cela par les autres personnes. Donc lui, il a instauré une bonne action qui à la base est légiférée. Car il n'y a pas de bonne sunna sinon celle qui est légiférée, qui a été apportée par la législation. Un exemple de cela, quelqu'un viendrait dans un lieu où personne ne jeûnerait, à part le Ramadan Taban. Et lui vient, quelqu'un il vient, et il jeûne le lundi et le jeudi par exemple. Il est le premier à faire cela dans ce lieu. Et de là les gens le suivraient. Ils diraient, ah ben ça c'est une bonne chose. Hein, ce jeûne que cet homme accomplirait inciterait les autres personnes à faire comme lui. Et bien lui entrerait là-dedans. Il aura instauré une bonne sunna. Mais à la base le jeûne est une chose légiférée, hein, qui est une chose présente dans la religion. Il n'est pas avec une chose nouvelle. Donc, à bien comprendre le sens du hadith, naam. Donc là, le shir poursuit en disant, وَقَدْ أَخَذَ هَذَا الْحَدِيثَ أُولَٰئِكَ الْقَوْمَ الَّذِينَ يَبْتَدِعُونَ فِي دِينِ اللَّهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ فَيَبْتَدِعُونَ أَفْكَارًا وَيَبْتَدِعُونَ صَلَوَاتٍ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذِهِ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ نَقُولُ لَا كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّهَا سيئة وليس في البدع من حسن لكن المراد في الحديث من سابق إليها وأسلع كما وظائل السباب في الحديث ومن أحياها بعد أن أمتت فهذا لو أجرها وأجر من عمل بها. Donc il dit, comme s'il voulait répliquer justement ces gens-là, car ces Ahbèches ne sont pas les premiers à venir avec cette chebouette. Il dit que ce hadith n'est pas à comprendre comme l'ont fait ces gens-là qui, eux, innovent dans la religion d'Allah. Hein, ils viennent avec des nouveaux afkars, des nouvelles invocations, des nouvelles salawat, hein, que Allah n'a donné aucune preuve en cela. Et ils disent, il s'agit là d'une bonne sunna, en se basant sur ce hadith. Donc, nous leur disons, non, car toute innovation est égarement. Et elles sont toutes mauvaises. Il n'y a rien de bien dans les innovations. Cependant, le sens voulu par le hadith, c'est celui qui se sera lancé en premier, hein, comme cela est apparent de la cause dans ce hadith. Ou celui qui l'aura revivifié après qu'elle ait été oubliée. Alors il aura la récompense de cette sunna, ainsi que de ceux qui l'auront suivi en cela. Naam. Et également cette sunna qui a été oubliée, qui est revivifiée, elle s'appelle sunna al-mujaddada. Sunna al-mujaddada. Comme dans le cas de Omar, radhiyallahu anhu. Voilà. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas clairement dit dans la khutbat al-Haja qu'il avait coutume de prononcer avant ses sermons, ses khutab, comme cela fut rapporté par Ibn Abbas, d'autres que lui. Il dit فَإِنَّ خَيْلَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْلُ الْحَدِيثِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ sallallahu alayhi wa sallam وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc il a bien dit que la meilleure des paroles est la parole d'Allah. Et la meilleure des guidées est la guidée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses sont les choses nouvelles. Car toute chose nouvelle est innovation. Et toute innovation est égarement. Il a bien dit toute innovation. Il n'y a pas de taksim comme il prétend qu'il monte sur lui, qu'il aurait divisé la bid'ah. Et également de la hadith apporté par Al-Irbad ibn Sariya, il dit فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَصْلِيَرَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ رَدُّوا عَلَيَّ بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. Donc il dit que certes ceux d'entre vous qui vivront beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna et celle des califs bien guidés, droits, et mordez-y avec les molaires, et prenez garde aux choses nouvelles, car toute innovation est égarement. Il le redit, toute innovation est égarement. Donc également, parmi les shubuhat, ils disent que les sahaba et les salaf ont fait des choses inexistantes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme le fait par exemple de réunir le Coran dans un seul livre nommé le Mus'haf, ou de mettre le tashkil, c'est-à-dire les ponctuations, les dhamma, les kasra, les fatha sur les lettres. Et que cela n'existait pas à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi de suite. Taïb. Il faut savoir une chose là, que nous avons pris la vraie définition de la bid'a, ainsi que la leur. Ce qui permet de comprendre comment ils ont pu tomber dans cette confusion. D'où l'importance de bien définir les choses. Car pour eux, toute chose instaurée n'ayant pas de texte religieux est une bid'a. Alors que nous avons bien spécifié que cela est propre à quoi? À la religion avec une intention d'adoration. Avec une intention d'adoration. Al-Shatibi, rahmatullah alayhi, cite cela dans son livre Al-Irtifam. Et il donne 10 exemples. 10 exemples. Donc de là, des choses furent établies par la suite en guise de préservation de la religion. Car les évolutions dans le temps ont rendu nécessaire des choses qui, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'étaient pas en besoin d'être. Et après cela, la communauté a trouvé une nécessité à les appliquer. Et cela en guise de quoi? De protection de la religion. Et ces procédés ont été nommés par les gens de science comme étant al-masalih al-mursalah. Al-masalih al-mursalah. Des moyens permettant d'arriver au but qui est l'application de cette adoration. Ou de protéger la religion, comme nous l'avons dit. Donc de là, je reviens, comme je disais, l'imam al-Shatibi, rahmatullah alayhi, cite dans son livre Al-Irtifam 10 exemples de causes d'instauration de ces masalih al-mursalah, ces moyens. Et parmi eux, il évoqua justement le fait que les sahaba, radiallahu anhum, réunirent le Coran en un seul livre, qui était le Mus'haf, qu'ils ont nommé le Mus'haf. Et que ces gens allaient à cette époque, pourquoi la cause de cela? C'est que les gens, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la révélation, elle descendait. Elle était présente sur lui. D'accord? Elle était présente. Et que les gens, les sahaba, mémorisaient le Coran. C'était des hufaz. Ils avaient une grande mémoire. Ils écrivaient très peu. Et que s'il y avait le moindre problème en cela, ils revenaient à qui? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'ils écrivaient comme révélation, ils écrivaient avec les supports qu'ils étaient à leur disposition. Comme par exemple des bouts de peau, ou des étoffes, ou ainsi de suite. Mais la plupart du temps, ils étaient quoi? Ils mémorisaient. Et si l'un d'entre eux se trompait ou quoi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était là pour rectifier. Donc il n'avait rien qui était rassemblé en un seul contenu. Non. Donc là, il n'avait pas besoin de Mus'haf. Là, ce n'était pas utile. Donc là, c'est la première étape. Deuxième étape, lors du khalifa de Abu Bakr, radhiyallahu anhu, lors de la 12e année hygérienne, beaucoup de Hufaz furent tués et moururent. Donc Omar, de là, par crainte de voir que le Coran se perde, car la plupart des Hufaz disparaissaient, il suggère à Abu Bakr de rassembler tout le Coran en un seul contenu. Et il insista fortement auprès de lui, à tel point qu'Abu Bakr finit par accepter. Et de là, Abu Bakr, radhiallahu anhu, ordonna à Zayd ibn Thabit, qui était de ceux qui écrivaient la révélation à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un hafiz, bien entendu, c'était un hafiz, qui connaissait le Coran par cœur. Donc il leur ordonna de retrouver tout ce qui était dispersé dans les poitrines des gens, comme Coran, et dans les manuscrits, et de tout rassembler sur les supports. C'est-à-dire que tout ce qui avait été mémorisé, de tout mettre par écrit, sur des supports, différents supports. Et cela suscité dans Sahih al-Bukhari. Troisième étape, lors de la 25e année de Hégirien, durant le khalifa de Othman, radiallahu anhu, à cause de la multitude de supports éparpillés à droite à gauche, et pour les différences qu'ils contenaient, c'est-à-dire par rapport aux différentes lectures et récitations, par crainte que cela ne mène une division et des troubles au sein de la communauté, Othman décida de tout réunir en un seul livre. Donc de là, il convia Hafsa, radiallahu anha, de lui passer un exemplaire, de passer le livre qu'elle avait avec elle, afin de le dupliquer, d'en faire un autre exemplaire unique, et de là de brûler tous les autres supports et manuscrits existants, afin de réunir toute la Ummah sur un seul et même livre, hein, qu'on appelle Mus'haf. Pourquoi Mus'haf? Mus'haf en arabe, c'est un ismeken, c'est un nom d'un lieu dans le, qui regroupe des feuilles, c'est tout. Donc ce mot-là, à la base, c'est pas une bid'a. Hein, c'est pas une bid'a. C'est comme Masjid. Masjid, à la base, c'est ismeken pour le lieu où on se prosterne, le lieu où on fait l'adoration. Mus'haf, c'est un lieu, un nom de lieu dans lequel on réunit des feuilles. Donc il n'y a pas de bid'a là-dedans. Voyez. Et de là, également ces faits sont cités dans Sahih al-Bukhari. Donc de là, on voit le résultat positif de toutes ces étapes qui ont réuni les gens sur l'islam, sur une seule voie, un seul livre. Hein, un seul livre que personne ne conteste. C'est le livre qui est présent actuellement avec nous. C'est le même livre qui est actuellement présent avec nous. Et personne ne conteste cela. Il y a Ijma, Armiki et Rafida. Les Rafida qui voient que le Mus'haf est naqis, qu'il est manquant, qu'il n'est pas complet. Mais bien sûr, la Rafida, c'est des kuffars, et leur khilaf n'est pas pris en compte. Donc de là, par ces moyens, s'accomplit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit, Inna nahnu nazzalna al-dhikra, wa inna lahu lahafizun. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a nul besoin de sa création. Hein. Mais seulement par sa sagesse, il a fait que des causes aient été établies pour que cela se produise. Et toutes ces faïdas que je viens de vous citer, là, par rapport aux étapes sur le djab du Mus'haf, le fait d'avoir rassemblé le Mus'haf, vous les trouverez dans le tafsir de Cheikh Al-Othaymin, rahmatullah alayhi. Non. Toujours dans leur shubuhat, qui est le fait qu'on ait mis des dhamma, des fathas, des kasras, hein, ainsi de suite, chose qui était inexistante à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai, ou les ponctuations, le fait de mettre des points sur les lettres, c'est que tout simplement à leur époque, les Arabes maîtrisaient parfaitement leur langue. C'était leur langue maternelle, ils avaient une maîtrise parfaite de leur langue. Et quand ils écrivaient, c'est vrai que les lettres, par exemple le ha ou le fa, enfin le ha ou le dim ou le kha avaient la même apparence, il n'y avait pas de point. Et le ta et le fa et le ba, pareil, ils avaient la même apparence, il n'y avait pas de point. Cependant, qu'est-ce qui s'est passé? Après que l'islam soit répandu, que les frontières étaient ouvertes, hein, et que le territoire se soit élargi, les non-arabes sont rentrés en islam. Ils ne connaissaient pas la langue arabe. Donc pour leur enseigner cette langue-là, pour qu'ils puissent comprendre le Coran, pour qu'ils puissent l'appliquer, pour qu'ils puissent le mémoriser, ainsi de suite, et que la langue arabe soit préservée, là, des règles ont été établies. C'était des moyens pour permettre aux gens, justement, de pouvoir accéder à la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car en parlant, des gens peuvent faire des erreurs énormes. Hein? En parlant, en se trompant dans une haraka, on peut dire une parole kufriya. C'est possible. Bien qu'on ne dise pas que la personne a des kafira, mais une parole kufriya. Donc, pour préserver la religion, ainsi de suite, des moyens ont été établis, comme ces fathas, ces dhammas, hein, et ces fathas, ces kasras, ou ces sukun, ainsi de suite, pour pouvoir faciliter aux gens l'écriture et la lecture de la langue arabe. Même pour les arabes eux-mêmes qui commençaient à apprendre leur langue, il fallait le préserver. Donc tout cela sont des moyens. Hein, sont des moyens légiférés qui rendent al-masarih al-mursala. Ce ne sont pas des innovations. Elles ne sont pas des innovations. Non. Également, comme on voit à ce jour, plusieurs sciences qui ont été mises, les sciences ont été classées, par exemple, le nahou, le mot nahou en soi, à l'époque des Sahaba, c'était un sens pour dire une direction, ou pour dire faire une ressemblance, ainsi de suite. Et ensuite, des règles ont été venues, ont été établies, le mansoub, le majrour, hein, le marfou, ainsi de suite, pour faciliter l'apprentissage de langue arabe. C'est tout. C'est des moyens. Ce ne sont pas des bid'a. Donc la parole est complètement fausse. Par contre, un truc qu'il y a à dire, c'est que c'est masalih mursala. Pour qu'ils soient instaurés, il y a des conditions qui ont été émises qui ne contiennent pas de transgression au texte. Hein? Comme par exemple, aujourd'hui, les enregistreurs, les logiciels informatiques, ainsi de suite. Ces choses-là peuvent être considérées comme faisant partie de cela. Des moyens autorisés pour permettre de quoi? De préserver ou de propager la religion. C'est min hadha al-bab. C'est la même chose. Ce ne sont pas des bid'a. Par contre, des gens, eux, leur rendent des choses nouvelles, disent que ce sont des moyens, comme par exemple, on en parle souvent, les jam'iyya, associations, certains veulent les rentrer dans ce chapitre-là. On dit non, car elles contiennent des transgressions. Elles contiennent des transgressions, donc elles ne sont pas permises. Mais tout ce qui ne contient pas de transgressions et qui amène à une évolution de la religion, cela est permis. Hein, cela est permis. Et rendant, elle, masalih, al-mursala. Voyez. Également, car il y a une règle qui est connue dans Usul al-Fiqh, qui est ma la yutammu bihi al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. Que seul, ce seul par quoi s'accomplit une obligation, hein, le moyen par lequel, le seul moyen par lequel une obligation peut être accomplie, alors ce moyen devient lui-même obligatoire. Un exemple au Yémen, ce qui se fait au Yémen, ce qu'on faisait à Damesh par exemple, dans le Maqbara, le cimetière, sur les tombes, on mettait des épines, des ronces. Pourquoi? Car le lieu là-bas était inhabité, le cimetière était isolé, sans mur qui le protégeait, de là pouvaient venir des chiens, des bêtes sauvages, pour creuser et manger les dépouilles par exemple, ou saccager les tombes. Et cela n'est pas permis, cela est interdit, il faut préserver les tombes. Profaner la tombe du musulman, cela est interdit. Et tout comme le fait de détériorer son corps ou l'abîmer, cela est interdit. Donc, par préservation de cette obligation, de là, qu'est-ce qu'on a fait? On mettait des épines pour empêcher aux chiens, aux bêtes sauvages de venir. Car il y a beaucoup de chiens, des meutes de chiens qui se baladent autour des tombes, des cimetières. Donc pour les empêcher de venir saccager les tombes, on a mis cela. Mais à la base, cela n'est pas une sunna, à ce que je sais. Ce n'est pas une sunna. Quelqu'un qui viendra demain, sans raison légiférée, il fait une tombe, par exemple, il n'y a rien. C'est entouré, c'est propre, c'est surveillé. Il met des ronces, on dirait non, pourquoi tu mets des ronces? Cela ne fait pas partie de la sunna, de mettre des ronces. Non. Donc à bien comprendre la différence entre la bid'a et al-maslaha al-mursala. La différence. Donc ces gens-là, toujours les arbèches, APBIF, ils prétendent, eux, suivre les quatre imams, comme ils disent. Car ils prétendent revenir à eux. L'imam Malik, rahmatullah alayhi, il a dit quoi? Man ahdasa fil islam bid'atan fara hasanatan faqad ittahama Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bikitman wa adam etablir. Qu'il dit que celui qui innove en religion, en islam, hein, et qui voit que cela est une bonne chose, alors il aura certes accusé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'avoir dissimulé et de ne pas avoir retransmis le message. Pourquoi? Car il vient qu'un acte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Il est certain que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout enseigné dans la religion, ce qui était à faire ou à ne pas faire. Donc lui, il vient et ramène une chose nouvelle. Donc c'est comme s'il disait, non, le prophète, il n'a pas tout dit. Et moi, je vous apporte une chose nouvelle. Attention. Et cela, peut-être quoi? Du kufr. Hein, dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait son travail comme il se doit. Hein, cela, peut-être du kufr. Donc attention à ça. Donc, non, on poursuit. Donc de là, par rapport à leur ignorance et leur mauvaise compréhension, ils nous ont pondu un tas de bid'a sans aucun fondement. Et également par rapport à ce que Shaitan leur a enjolivé. Parmi les plus ignobles qu'ils aient instaurés, plutôt ils ne sont pas instaurés, mais qu'ils continuent à appliquer, il y a El Mawlid El Nabawi, qui est la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent dans leur site, la commémoration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une manifestation de reconnaissance envers Allah. Les musulmans manifestent en cette occasion leur gratitude envers leur créateur pour leur avoir envoyé Mohammed en ce mois. Point barre. Voilà ce qu'ils disent. Donc nous on leur dit, il n'y a rien de plus aimé auprès d'Allah que le suivi de son ordre et l'application de ses actes obligatoires. Comme le prouve le hadith Qudsi, rapporté par l'imam muslim, d'après Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a dit, ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Que mon serviteur ne s'est pas approché de moi d'une chose plus élevée auprès de moi que ce que je lui ai rendu obligatoire. Donc Allah nous dit clairement là dans son livre également quel est le signe de l'amour réel que lui porte son serviteur quand il dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Il dit quoi? Dit, si vous aimez si jamais vous aimez Allah, alors suivez-moi, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah vous aimera et vous pardonnera quoi? Vos péchés. Voilà ce qu'il dit. Donc, la reconnaissance envers Allah se manifeste à travers son obéissance et par le suivi de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et non en faisant des bid'ah, comme eux ils le font. Chose interdite, chose aussi incohérente que quelqu'un qui se mettra à fumer pour remercier un médecin d'avoir trouvé le remède contre le cancer. Ça tourne en rond, c'est ridicule. Et bien alors, leur conception, elle amène à ça. La même chose. Ils disent également, ces gens-là, toujours, la commémoration du Maulid est un bien, une bénédiction, et une bénédiction. Ceci n'est pas quelque chose qui fait régresser la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, cela montre de l'amour du musulman envers le prophète, et c'est une manifestation de son amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le mène à éprouver de la nostalgie envers lui. C'est-à-dire qui fait qu'il se rappelle de lui. Subhanallah. Est-ce qu'ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisqu'il ne s'aimait lui-même, alors qu'il n'a jamais fêté lui-même son anniversaire? Lui ne l'a jamais fait pour lui-même. Ni pour celle du prophète, hein, qui lui était antérieure. Chose qui lui était possible de faire de son vivant, mais il ne l'a pas fait. Est-ce qu'ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisque le sahaba, et que selon Urwa ibn Zubayr, il rapporta que lorsque Urwa ibn Mas'ud fut dépêché auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en vue de conclure le pacte de conciliation durant les événements de l'Hudaybiya, cet homme, à son tour de Quraysh, leur déclara, il dit à Quraysh, il dit, « Ey Qur, wallahi, lakade, wafattu ala mulukin, wafattu ala kaysa, wala, tayyib, ala kaysa, wa kisra, wal najashi, wallahi, in ra'aytu maliken, qat, يعظم أصحابه محمد صلى الله عليه وسلم محمدا والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدوا أمره وإن توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عندهم وما يحدون إليه النظر. Donc il dit quoi? Ô mon peuple, lorsque Urwa est revenu à son peuple, après avoir vu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur dit? Ô mon peuple, là il part à Quraysh, je jure par Allah que je me suis rendu en délégation auprès de rois tels que César et Najashi et autres. Et par Allah, hormis Mohammed, je n'ai jamais vu un roi se faire considérer par ses sujets comme j'ai vu Mohammed être honoré par ses compagnons. Par Allah, lorsqu'il crache, ses compagnons tendent leurs mains pour attraper son crachat. Il s'en essuyait le visage et la peau. Quand il donne un ordre, il s'empresse de l'exécuter. Une fois ses ablutions terminées, peu s'en faut qu'il ne se batte pour le reste de son eau. Toutes les fois qu'il parle, ils baissent tous la voix. Enfin, personne ne fixe son regard sur lui, tant est grand le respect qu'il inspire. Et à cette époque, c'était un kafir. Regardez ce qu'il dit, il témoigne du respect et de l'amour que portaient les sahaba pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces hommes sont les meilleurs de l'humanité après les prophètes, ayant obtenu l'énorme succès, ce dont Allah subhanahu wa ta'ala dit d'eux, وَالسَّادِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Les tout premiers croyants parmi les émigrés, muhajirin, et les auxiliaires, les ansar, et ceux qui les ont suivis dans un bon comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Cela même dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, An wasilat ibn Ashka' ou al-Afka' An wasilat ibn Afka' Qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, La tazaluna bi khairin madama fikum man ra'ani wa sahabani. Wallahi, la tazaluna bi khairin madama fikum man ra'a man ra'a. Madama fikum man ra'a man ra'ani. وصحب من صحباني Wallahi, la tazaluna bi khayr, madama fikum man ra man ra man ra'ani, wa sahaba man sahaba man sahabani. Ra'u ibn Abi Shayba fil Musannif. Où il dit quoi? Selon Wasila ibn al-Afka' qu'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par Allah, vous ne cesserez d'être dans le bien tant que sera au milieu de vous ceux qui m'ont vu et ceux qui m'auront accompagné, c'est-à-dire les compagnons. Après il répète deuxième fois: Wallahi, vous ne cesserez d'être dans le bien tant que seront parmi vous ceux qui auront vu ceux qui m'auront vu et qui auront accompagné ceux qui m'auront accompagné. Et après il répète une troisième fois: Wallahi, vous ne cesserez d'être dans le bien tant que sera au milieu de vous ceux qui auront vu ceux qui auront vu ceux qui m'auront vu et ceux qui auront accompagné ceux qui auront accompagné ceux qui m'auront accompagné. C'est-à-dire tabi tabi'in. Hein? Tabu tabi'in. Et les preuves sur leur vertu sont extrêmement nombreuses. Comme sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit au début de la muhadara, au début de la conférence, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ رَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. Et accrochez-vous à ma sunna, et celle des califes bien guidés, et droits, et mordez-y avec les molaires, et prenez garde aux choses nouvelles, car toute innovation est égarement. Donc là, il parle de qui? Des quatre califes bien guidés. Donc on leur demande à ces gens-là, qui les a précédés en cela? Abou Bakr? Omar? Othman? Ali? Hein? Justement, ils prennent la parole de Omar, ils prennent la parole de Omar, Nirm al-Bida, en parlant du Tarawih, comme étant un argument. Est-ce que Omar ne comprend pas ce qu'il dit, d'après eux? Est-ce qu'eux, ils sont plus savants que ce que Omar a voulu faire comprendre? Il a dit Nirm al-Bida. Dans quel sens? Hein? Le sens littéraire. Car à la base, le Tarawih est une origine. Pourtant, Omar, est-ce qu'il a fait le Mawlid? Il ne l'a pas fait. Donc Omar, c'est très bien ce qu'il dit. Et également, eux qui disent revenir aux quatre savants, aux quatre imams. Qui les a précédés en cela? Hein? Abu Hanifa, Malik, Shafiri, qui d'après eux autorisent les bonnes bid'ahs, d'après eux, ils prétendent cela de lui, ou l'imam Ahmed, ont-ils mieux compris la religion que ces hommes pour instaurer ce que ces derniers n'ont jamais fait? Et ne s'assure-t-il pas également quand la célébration de ce Mawlid, il est une ressemblance avec les chrétiens, qui célèbrent la naissance présumée, bien sûr, de Isa, qui est Noël. Donc, même on dit que ils auraient voulu mettre ce Mawlid comme étant une maslaha mursala, comme on l'a dit au début, eh ben non. Pourquoi? C'était une mukhalafa. Là, il y a une transgression qui est celle de quoi? De ressemblance avec le kuffar. Dans leurs actes d'adoration, dans leur religion. Pourquoi? Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man tashabbaha bikumin fa minhum. Que celui qui ressemble à un peuple, et là, on en fait partie. Donc là, toutes les portes sont fermées. Ça, c'est une bid'a pure, purement et simplement. Et également, toujours pour justifier leur bid'a, ils disent qu'ils se rappellent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En faisant cela, c'est pour se rappeler de lui. De là, l'imam al-Allama Mohammed ibn Amin Jami, rahmatullah alayhi, dit en réponse de cette prétention, je dis directement en français car cela serait trop long par la suite, il dit, c'est-à-dire en résumé dans le sens, nous interrogeons. Quand est-ce que les musulmans ont-ils oublié le prophète sallallahu alayhi wa sallam au point d'avoir à se réunir annuellement pour célébrer sa mémoire, sa naissance, autour d'une table garnie pour y boire et manger lors de la 12e nuit du mois de Rabi al-Awwal? Depuis quand? Il ne l'est pas permis de l'oublier. Oublier Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela n'est pas permis. Et comment l'oublierait-il alors qu'il prononce l'attestation lors de chaque Avan? Ils disent « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » dans chaque Aven, on le dit. Et lors du Tashahoud, dans la Salat, on le dit. Sans compter même les Salat Nafila, surrogatoire. Là, il parle des obligatoires. Donc, que dire celui qui fait beaucoup de surrogatoires? Combien de fois il le dit? Lorsque son nom est cité, lorsqu'on dit Sallallahu alayhi wa sallam, lors des cours, et ainsi de suite. Donc, nul besoin de ce Mawlid pour se rappeler de lui. Cela, c'est batil, c'est complètement faux. Donc, également, parmi leurs bid'a, qu'ils autorisent et commettent, il y a et tawassul par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les vertueux. Comme ils le disent dans leur site, ils disent, je cite, pourquoi, c'est-à-dire là en parlant de gens qui les critiquent, qui les critiquent pour leur bida, ils disent, en se lamentant, ils disent, pourquoi pas d'interdiction pour les choses blâmables, telles que le fait de déclarer mécréant un musulman sans aucune raison valable, selon la loi, comme déclarer les musulmans mécréants du simple fait qu'ils font le tawassul par le prophète ou les vertueux. Voilà ce qu'ils disent. Donc ils disent que on ne blâme pas ceux qui font le tawassul. Ou plutôt, qu'on ne blâme pas ceux qui rendent mécréants, ceux qui font le tawassul par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'on les blâme eux pour leur maulid. Donc ça veut dire qu'eux, ils voient que le tawassul, il se fait. Et ils le font. Qu'est-ce que ça veut dire faire le tawassul par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça veut dire quoi? Ça consiste à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en cherchant intercession auprès de lui par le rang de son prophète. Comme par exemple le fait de dire Allahumma as'aluka bijah nabiyika antaghfir li mathalan. Oh Allah, je te demande par le rang de ton prophète que tu me pardonnes. Et ainsi de suite. Et cela est une chose nouvelle, sans précédent en religion. Le tawassul, lui, à la base est légiféré. Cela existe. Mais avec des limites. Hein, et des règles. Comme par exemple le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ce nom et attribut. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wa lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Hein, et Allah sont les plus bons noms, invoquez-le avec. Donc, cela reviendrait au fait de dire, par exemple, Allahumma inni as'aluka bi annaka ar-Rahman ar-Rahim bi annaka al-Wahid al-Karim ighfirli warhamni ihdini sawa as-sabil. Voilà ذلك, comme le fait de dire par exemple Allah, Serge, je te demande du fait que tu es Ar-Rahman, que tu es Ar-Rahim, hein, que tu es le Karim, le noble, le Jawad, pardonne-moi et fais-moi miséricorde et guide-moi sur le bon sentier. Ainsi de suite. Là, tu as invoqué Allah par ses noms. Cela est permis. Il est venu dans le Coran. Ou également, parmi le tawassul et shad'i, le fait de l'invoquer par la foi, au nom de la foi. Comme dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, Allazina yakulun, rabbana innana amanna, farfillana zunubana wakina azabenna. Ceux qui disent, ô notre Seigneur, nous avons foi. Regardez bien, nous avons foi. Pardonne-nous donc nos péchés et protège-nous du châtiment du feu. Donc là, tawassul bil iman. Également le fait de l'invoquer par les bonnes actions, comme cela fut cité dans le hadith rapporté par Ibn Omar, chez l'imam Tirmidhi, de ces trois personnes qui étaient dans la caverne, qui étaient prisonniers et qui ont cité leurs bonnes actions pour pouvoir être libérés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Allahumma in kuntu fa'altu zalika bitira et wajhik fafarrij anna ma nahnu fihi min hadi as-sakhra. Donc il dit, oh Allah, si j'ai fait cela, c'est-à-dire cette bonne action citée, en cherchant cela, ton visage, alors soulage-nous de ce quoi nous sommes, de ce rocher. Hein? De ce rocher. Et regardez bien, dis-là, et tira wajik de ton visage, en recherchant ton visage. Donc le visage est une sifat, un attribut confirmé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ou également de demander à un homme vertueux d'invoquer pour Allah pour toi. Cela est permis. Hein? Cela est légiféré. Avec des preuves à l'appui. Mais le faire par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par son rang, cela n'a aucun fondement. Et les sahabas ne l'ont jamais fait. Et l'ambiguïté qui court à cela, le fait d'invoquer par le rang des vertueux, et ainsi de suite, c'est ce que Omar a fait d'après eux, qu'ils ont mal compris. Lorsqu'il fit l'istisqa par intercession de l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, Allahumma in kuna idha ajed bana, nastafki ilayka binabiyina, fatafkiina. Donc il dit quoi? Ô Allah, lorsque nous étions dans la sécheresse, dans les périodes arides, hein, nous faisions la demande de pluie par ton prophète. Alors tu nous abreuvais, tu faisais pleuvoir sur nous. Et aujourd'hui, hein, nous le faisons avec son oncle, l'oncle de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors fais pleuvoir sur nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Nastaski le kabinabiina. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui le faisait. Hein? Par son biais. Qu'il a invoqué pour nous auprès de toi. Pour que tu fasses pleuvoir sur nous. Alors aujourd'hui, nous demandons à son oncle de faire l'istisqa. Afin que tu fasses pleuvoir sur nous. En fait, c'est ça. Il demandait à Abbas que lui fasse l'istisqa. Et non pas demander à Allah par son rang. À bien comprendre. En fait, il demandait à Abbas de faire salat l'istisqa. C'est lui qui la faisait. Pour eux. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Donc là vient la preuve du fait de pouvoir demander à un homme pieux d'invoquer pour toi. Et les sahaba demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer pour lui. Non. Et parmi leurs erreurs également, qui font le tabarruk par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou par ses traces. Comme ils le disent dans leur site, en se lamentant également toujours sur ceux qui les critiquent, ils disent ou les déclarer mécréants parce qu'ils font le tabarruk, la recherche des bénédictions, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou par ses traces, ou du simple fait qu'ils récitent Al-Fatiha ou d'autres versets du Coran pour un mort. Donc regardez ce qu'ils disent. Il faut savoir que le fait de rechercher la baraka par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par ses traces, cela n'était que lors de son vivant. Hein? Que lors de son vivant. Comme cela fait cité au début dans le hadith par l'histoire du pacte de l'Hudaybiyah, de ce que rapportait Urwa ibn Mas'ud lorsqu'il vit les Sahaba se battre pour avoir l'eau d'eau ou avoir son crachat, ainsi de suite. Ça, oui, ça existait. Mais aujourd'hui, il ne reste plus de traces physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses effets personnels. Il ne reste plus rien. D'accord? Et eux, attention, qu'est-ce qu'ils veulent par là? Le tabarruk bin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils veulent par là, eux? C'est, en fait, chercher à se frotter sur sa tombe. Ils cherchent à vouloir se frotter sur sa tombe et à l'invoquer. Comme j'en ai entendu un moi-même de mes propres oreilles le dire, de ses arbèches, il le disait, que les gardes dans le Masjid Nabawi étaient des injustes. Pourquoi? Car ils le refoulaient et ils empêchaient de s'approcher de sa tombe. Pourquoi ils veulent s'approcher de sa tombe? Pour l'invoquer et se frotter dessus. Et cela est du shirk. Hein? Et cela est du shirk. Pourquoi? Car selon Abu Saïd al-Khudri, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allahumma la tajal kabri wa sanan yu'badu ijtada adabullahi ala kawmin takhazu kubur anbiya'ihim masajid. Ou Allah, ne fais pas de ma tombe une idole que l'on adore. La colère d'Allah augmente sur un peuple ayant pris les tombes de leurs prophètes comme masajid, c'est-à-dire lieu de culte. Regardez. Et également, cela est rapporté par Malik. Et également, rapporté par Al-Mahrour ibn Suwayd, qala kharajna ma Umar في حجة حجها فقرها بنا في الفجر ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وقال لإله في قريش فلما قضى حجه ورجع والناس يبتدرون فقال ما هذا فقالوا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هكذا هلك أهل الكتاب اتخذوا أثار أنبيائهم بيعا من عرضت له منكم في الصلاة فيصلي ومن لم يعرض لم تعرض له منكم فيه الصلاة فيصلي فلا يصلي. Donc il dit Al-Ma'rour ibn Suwayd qui est sorti pour faire le hajj avec Omar, d'accord, et qu'il accomplit la salat de soubh avec eux, le fajr, et qu'il récita la sourate de l'éléphant et celle de Quraysh. Ensuite Omar vit des gens se diriger en un lieu et il demanda où ils se rendirent. Il lui fut répondu qu'ils allaient dans un mosquée dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait la salat. Donc il dit, c'est de cette manière que périrent les gens du livre d'avant vous, du fait qu'ils suivaient les traces de leurs prophètes et en faisaient des synagogues. Là il parle de qui? Des juifs. Donc celui qui s'y trouve, c'est-à-dire en ce lieu, et que vient à l'heure de la salat, alors qu'il la fasse, c'est pas de problème. Mais sinon qu'il ne la fasse pas, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas délibérément à se trouver en ce lieu-là pour y faire la salat. Cela n'est pas permis. Et cela est rapporté par Ibn Abi Shayba. Également, il me fut rapporté des Arbèches qu'il prétend avoir un chien qui se balade par-ci et par-là avec une mèche de cheveux, qui prétend que cette mèche de cheveux appartient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc de là, les gens parmi les Arbèches, hein, sont à sa poursuite, afin qu'ils les frottent avec, en vue d'avoir de quoi? De la baraka. Et cela, bien sûr, est un pur mensonge. Hein, c'est un pur mensonge, car il ne reste plus rien du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand bien même il resterait quelque chose, ce serait seulement pas eux qui l'auraient. C'est Fajara. Sûrement pas eux qui l'auraient. Non. Ils ont également d'autres mythes, d'histoires fantastiques, qu'ils racontent par rapport à leur chair, comme l'établir, des choses complètement fausses et infondées. Et quant au fait de rester du Coran pour un mort auprès des tombes, cela n'a aucun fondement dans la religion. Cela est une pure bid'a. Hein, pouvant même amener au shirk. Amener à quoi? À invoquer ce mort. Et chose que le savant rapporte d'eux. Il rapporte que ces gens-là, les Arbèches, invoquent les morts. Ils font l'istirasa, l'istirana, l'istirasa par les morts. Ils cherchent refuge auprès des morts. C'est-à-dire leur saint, leur wali. Et également, ces bid'a qu'on a cité précédemment, le tawassul ou le tabarruk, ainsi de suite, en fait, ne sont que des couvertures. Pourquoi? Pour des actes bien plus graves qu'ils commettent. Également, ils fêtent le nouvel an égyrien. Hein? Al-awwal min shahr muharram, ils le fêtent. Comme qui? comme les koufars avec le premier an, le jour de l'an. Tashabbuh bi koufar. Également, ils fêtent la nuit quoi? Du mi'raj, celle de la montée aux cieux. Également, celle de l'Isra, du voyage nocturne. Tout cela, ils le fêtent. Hein? Et cela n'a aucun fondement. Le Nabi Salam ne l'a pas fait. Ni les Sahaba, ni ceux d'après eux. Également, parmi la bid'ah, ils voient le fait de prononcer l'intention avant d'accomplir une salat. Et ils appuient cela à l'imam Shafi'i. Et alhamdoulilah, c'est un point que nous avons déjà évoqué dans les durus de Arba'in Nawawi, dans le premier hadith qui est Naman Amal Biniya. Il y a un audio annexe qui parle de ce point pour celui qui voudrait y revenir. Et que cela également est une chose qui n'est pas fondée et qui tombe dans la bid'ah. Il voit également le fait de confectionner des mushaf de taille réduite pour les mettre en pendentif en guise de protection contre le haïn, contre les mauvais œil, et pour en tirer les barakas. Hein, en tirer les barakas. Et il était rapporté de Ibrahim al-Nakhai, qui est élève de Abdullah ibn Mas'ud, qui l'a dit, en parlant des sahaba, كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن أو من غير القرآن. Donc ils disent que les sahaba détestaient le fait d'avoir des talismans ou des pendentifs, ainsi de suite, tous qu'il s'agit du Coran ou autre que le Coran. Quand on dit pendentif, on ne parle pas des bijoux des femmes. Hein, on parle de tout ce qui est pendentif, talisman, avec une intention de quoi? De protection ou de baraka, ainsi de suite. Et Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, dit de cette parole qu'elle était également l'avis d'Ibn Mas'ud. Et pour eux, Al-Karaha, le fait de détester à leur époque, ça voulait dire quoi? Le tahrim, l'interdiction. Pour eux, c'était haram. Et cela pour deux points. Comme dit Cheikh Ibn Baz, pour deux points. Premièrement, pour la généralité englobée par l'interdiction citée dans les hadiths. Les hadiths cités dans le fait qu'il était interdit de porter des bracelets confectionnés ou des fils, ou de porter des choses, ou d'accrocher des choses autour du cou des animaux, ainsi de suite, pour les protéger du mauvais œil ou des maladies. Et également, la deuxième cause, pour fermer les portes pouvant mener au shirk. Donc on n'accroche ni Coran, ni hadith, ni talisman, ni ossement, ni rien du tout. Non. Telles sont les paroles de Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi. Et cela, disent d'autres savants, que cela reste au minimum, c'est une bid'a. Le fait de prendre un mushaf, d'écrire de façon réduite, le mettre en pendentif, cela est une bid'a. Car le Coran n'a pas été descendu pour cela. Ni pour être mis en pendentif, ni illustration sur les murs, ni rien d'autre. Wallah, les bid'as sont trop nombreuses à être énumérées ici. Hein, mais ce qui vient de suivre, Inch'Allah, suffit largement. Ils voient également la mixité. L'irtilat pourrait être une chose permise. Comme moi, je l'ai vu de mes propres yeux quand j'étais chez eux, que les femmes rentrent sans gêne au milieu des hommes. Ils discutent avec eux. L'un d'entre eux va même jusqu'à fermer la porte du bureau, s'isole avec elle pour leur donner un cours. Allahu Akbar. Il prend un groupe de femmes avec lui, je l'ai vu moi. Il va dans un bureau à part et leur fait un daf. Il faut voir comment elles sont habillées. Hein, faut voir comment elles sont habillées. Ensuite, quand vient l'heure de la salat, elles forment un rang juste derrière les hommes, sans mettre de distance ou de séparation. Comme un rang d'hommes derrière un homme, elles font pareil. Et elles font salat derrière nous. Et là, d'ailleurs, leur cher Abdullah al-Harari, il le dit, lui, il autorise à la femme de s'habiller de façon de porter des pantalons serrés, de pouvoir porter même des vêtements transparents ou des bisons, ainsi de suite. Qu'elle peut sortir maquillée, parfumée, même sans la permission de son mari. Et il autorise aussi à l'homme de porter le regard. Lorsqu'il regarde une femme, le premier regard, il peut durer longtemps pour lui. Car vous le savez, il y a une interdiction qui est venue de pouvoir suivre le regard d'un autre. Comme cela est venu dans le hadith de Ali, chez l'imam muslim, que si jamais tu vois que tu as le premier regard, mais pas le deuxième. Et bien lui, comment il joue avec les hadiths, que si jamais tu as vu le premier regard, alors reste dessus. Longtemps. C'est-à-dire, savoure, hein, savoure le regard. Et après, tu n'as plus de regarder. Et bien ça l'autorise. Non. Et que pour lui, l'irtilat, c'est quoi? Pour cet homme, l'irtilat, en fait, c'est lorsqu'il y a contact physique. C'est-à-dire que demain, si on est dans une pièce avec des femmes, il n'y a pas de mal. Mais si demain, ça vient à ce qu'on arrive à se toucher, alors là, ça devient interdit pour lui. D'après lui. Non. Donc là, c'est le monde à l'envers. Même chez eux, dans leurs chants, quand ils ont des chants, c'est l'homme qui tape du douf, et c'est les femmes qui chantent. Hein? Je l'ai vu, ça aussi, de mes propres yeux. Et elles chantent comment? À voix haute. Elles chantent à voix haute devant les hommes, et c'est l'homme qui tape du douf. Et là, mes frères, ou même pour les sœurs, je déconseille très fortement de débattre avec ces gens-là. À part peut-être si jamais ce serait un frère nouveau, débutant, qui serait amené à les fréquenter, en guise de conseil, il ne connaît pas leur mal, là il faut le conseiller. Mais les autres, les têtes, les meneurs qui sont ancrés chez eux, je vous déconseille très fortement de débattre avec eux. Pourquoi ? Car ces gens sont aussi des voyous, des racailles. Beaucoup d'entre eux sont des gens de rue qui ne sont pas encore guéris. Hein ? Et tu les vois de tes propres yeux, même comment ils s'habillent. Enfin, moi, à mon époque, je sais pas vraiment c'est quoi les modes actuellement, à mon époque, tu les voyais, c'était Levi's 501, Stan Smith et blouson en cuir. Et casquette Lacoste. Beaucoup étaient comme ça. Jogging Lacoste, ainsi de suite. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont pareils ? Allahu a'lam. Mais à mon époque, beaucoup étaient comme ça. Hein ? Et ces gens-là, si jamais tu les énerves, tu les contredis, ils sont capables de te frapper, hein, de faire une bagarre vulgairement dans la rue. Donc attention, ne débattez pas avec eux. Et en plus, le pire de cela, c'est que tu les vois sur leur site venir dire qu'ils appellent soi-disant un islam modéré, bon comportement, pas d'extrémisme, ainsi de suite. Ce sont des voyous. Ces gens-là sont des voyous. Hein, sont des voyous, des criminels. Attention à eux. Peut-être pas tous, mais beaucoup d'entre eux. Les têtes surtout, ils sont dangereux, attention à eux. Également, parmi leur façon de, dans la façon de prôner, de prêcher, ils utilisent des supports musicaux. Hein, et tout ce qui peut attirer les jeunes. Comme par exemple le rap. Cela est connu. Comme ils avaient leur porte-parole, je ne sais pas s'il est encore avec eux aujourd'hui, qui s'appelle Ali, c'est-à-dire Kerry James. Hein, ce rappeur-là, qui était parmi les têtes des Arbèche. Est-ce qu'il est toujours, je ne sais pas. J'ai pas entendu de lui qu'il était au box en revenu, donc je reste sur ce que je connais de lui. Hein? Donc, et cet homme-là, ce Kerry James, cet égaré, ce Dal, je dirais même que c'est un shaitan, celui-là, c'est un shaitan. On se demande, est-ce qu'il n'est pas pire aujourd'hui ce qu'il fait, hein, qui se prétend de l'islam, que ce qu'il faisait auparavant? Car il était moins grave pour lui de parler de drogue, ou de se vanter de ses délits, plutôt que de parler sur Allah, sur ta'ala, sur sa religion, mensongèrement et sans science. Cela est bien plus grave. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sa parole où il dit Qul innama harrama rabbi al fawahisha ma zahra minha wa ma batan wal ism wal bari bighayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam nazil bihi sultana wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun. Dit mon Seigneur m'a interdit que les turpitudes, c'est-à-dire les grands péchés, tant apparentes que secrètes, c'est-à-dire cachées, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve. Et dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Hein? Regardez ce verset, comment il est explicite. Et de là, je vais clôturer, parce qu'a dit Ibn Qayyim, rahmatullah alayhi, à propos de ce verset, dans son livre, I'alem al-Muwaqi'in, dans le chapitre de l'interdiction de parler sur Allah sans science. Il dit, wa qad harama Allah subhanahu wa ta'ala al-qawl alayhi bighayri 'ilm fi al-futya wa al-qada wa ja'alahu min a'zami al-muharramat bal ja'alahu في المرتبة العليا منها فرتب المحرمات أربع مراتب فبدها بأسهلها وهو الفواحش ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم طيب عفوا وهو الإثم والظلم ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منها وهو الشرك به سبحانه وتعالى ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم القول عليه بلا علم فهذا يعم القول عليه سبحانه وتعالى بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه وقال تعالى ثم ذكر الآية التي ذكرناها آنفا فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولهم لما لم يحرمه هذا حرام لما لم يحله هذا حلال وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه وتعالى أحله أحرمه. Donc il dit, Allah a interdit de parler sur lui sans science dans les jugements ou les fatwas. Il l'a classé parmi les pires des choses illicites. Il l'a placé au niveau le plus élevé, comme le montre le verset cité précédemment. Il classa le tout en quatre catégories, en débutant par la moindre d'entre elles qui sont les turpitudes, puis vient en seconde position ce qui est de plus grande illicéité. La désobéissance et l'agression sans droit. Puis en troisième position, ce qui est encore pire, c'est le shirk. Et mis en quatrième position, ce qui est plus grave que tout, c'est le fait de parler sur lui sans science. Chose qui englobe le fait de parler sur ses noms, ses attributs, ses actes, de façon... Chose qui englobe le fait de parler sur ses noms et attributs et ses actes. de parler sur sa religion et sa législation. De parler sur sa religion et sa législation. Comme il dit dans le sens, et ne dites pas conformément, c'est-à-dire dans le verset du Coran, dans le sens où il dit, et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est illicite ou ceci est licite pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Ce sera pour eux une piètre jouissance, mais un douloureux châtiment les attend. Donc le châtiment d'Allah leur a été exposé pour cause de ce qu'ils forgent comme mensonge dans ces rites, pour ce qu'ils ont rendu licite parmi ceux qui n'y l'étaient pas, ou le contraire. Allah démontre clairement qu'il est interdit aux serviteurs de s'avancer à dire que cela est licite ou illicite, ce n'est par science ou décret d'Allah. Non. Donc pourquoi le fait de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala vient comme étant plus grave que le shirk, du fait que le shirk n'est pas venu, ce n'est du fait qu'on parle sur Allah sans science. Hein? Le fait de parler d'Allah sans science amène à tomber dans le shirk, dans les bid'ah, dans les mukhalafat. Donc cela englobe le tout. Cela est plus général. Non. Donc également, les ulama ont émis beaucoup de fatawa, comme Cheikh Ben Baz, Alech Nadaïma, Cheikh Mokbil, ainsi de suite, sur le kouf de cette secte. Cette secte, les Arbesh, sont des koufars dans leur généralité. Mais dans les individus, cas par cas, c'est autre chose. Mais dans leur ensemble, cette secte, c'est une secte kafira. Donc, la salat d'ayyoun n'est pas permise. N'allez pas chez eux. Hein? Même leurs habihas qu'ils égorgent, ne mangez pas. Tout cela est à éviter. Hein? Il est à éviter. Inch'Allah, si Allah me permet, on mettra des fatawa et d'autres articles relatifs à cette secte, Inch'Allah ou Ta'ala. Donc, de là, s'achève ces paroles, en espérant que Allah subhanahu wa ta'ala les rendra bénéfiques pour vous et pour nous. Et pour nous en premier et pour vous. Et pour toute la Ummah, فَنَكُلْ سُبْحَانَكَ لَوْمَا وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهِ لَا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَتُبُوِلَيْكَ